Alain Soral, vous l'avez entendu, avec moi jusqu'à 18h. Alain Soral, l'écrivain. Bonjour Alain. Bienvenue dans On nous la fait pas, Alain Soral. Il va régler son casque. Voilà, au bout du fil, t'as un bouton volume. Vous avez un bouton volume. Je l'ai trouvé. Ça y est, il l'a. Alain Soral, Misère du désir, fiction aux éditions Blanches. On parlera tout à l'heure, à 17h45, de ces misères du désir au pluriel. Quelles sont-elles? Comment sont-elles? Comment se portent-elles? Mais Alain Soral avec moi pour trois discussions, Alain. C'est le principe de l'émission. Le vendredi, il y a toujours un témoin, un invité vedette, pour revenir sur les sujets qui ont bien animé. On nous la fait pas tout au long de la semaine. Témoin, oui. Vedette, non. Si, quand même, Alain Soral. Alain Soral, le premier de ces discussions qui alimentent la polémique, ce sont ses livres Confessions des People. Alors on a Pour l'amour de Jacques de Sophie Anctil, le livre de Guillaume Depardieu, celui de Franz-Olivier Gisbert, Sarah Marchat et Michael Alexandre Anthony, pardon. Dernier en date, maintenant Il faudra tout se dire de Benjamin Castaldi, le livre Portrait d'Yves Montand de sa grand-mère Simone Signoret, avec ce chapitre consacré, alors on ne sait pas trop si liaison il y a eu ou liaison il n'y a pas eu, rapport ambigu en tout cas, entre sa maman Catherine Allégret et son beau-père donc Yves Montand. Alors révélation au contraire qui libère la parole ou confession pognon, vous venez en parler avec moi, 3216 avec Alain Soral, 3216rmcinfo.fr. Vous avez une sœur qui est connue, voilà, Soral. Oui, mais moi, dans mon dernier bouquin, j'ai parlé un peu de ce genre de choses, mais il n'y a pas que ça. C'est Agnès Soral, la comédienne, oui. On va le rappeler. Il n'y a pas que ça. Moi, je m'inscris dans un projet classique du roman balzacien où on parle un peu, il y a un peu de psychu, mais il y a aussi du social. Il y a une espèce de vision globale. Et là, l'angoisse, c'est qu'on voit que de plus en plus, comme c'est très long de former un écrivain, de le suivre, un Welbeck, il faut 20 ans. Moi, ça fait 20 ans que j'édite et que je commence à exister un peu. Aujourd'hui, il y a vraiment une logique du flux tendu et du marché où on va chercher un people et on lui fait faire des confessions sordides. C'est vraiment l'œil de la ménagère dans la serrure pour voir les parties de fesses des people, quoi. C'est, ouais. C'est-à-dire que c'est très bas niveau. C'est un peu inquiétant quand même. Hein. C'est pourquoi sordide? Parce qu'après tout, ces gens-là, par exemple Sophie Anctil, que je recevait mardi, il dit bah, moi je fais part d'un secret, parce que dans toutes les familles il y a des secrets, si je peux aider à libérer la parole bah tant mieux. Ouais, mais comme argument bidon, donc ouais, je pense que d'abord c'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui les maisons d'édition ont besoin de faire des coups, parce que il y a beaucoup de livres de copinage édités qui se vendent pas, et c'est vrai que pour faire un coup il faut prendre quelqu'un de connu. Alors on prend Catherine Deneuve, elle raconte un peu ses trucs, c'est du vendu d'avance. Le problème c'est qu'il n'y a pas tant de people que ça. Alors quand tout le monde aura fait tous les acteurs, etc., après on arrive à Mimi Mati, et puis à la fin ça va être le concierge d'RMC. Enfin, je veux dire, c'est un peu une stratégie catastrophe. Pourquoi Mimi Mati? Non mais je sais pas, après Catherine Deneuve, on descend. Mimi Mati, non mais je voyais, c'était quoi l'idée derrière la tête? Bah, les stars de plus en plus petites, quoi. Ah, les plus en plus petits people, vous voyez. Puis après c'est du tout petit pipi people, quoi. Et on est dans le pipi people de chat après. Ouais. Ça va pas nous amener, c'est pas ça qui va sauver le livre, hein. C'est un peu de la stratégie catastrophe, flux tendu, coup par coup. Et surtout, c'est-à-dire que c'est très grave pour les gens qui essayent d'être écrivains, c'est-à-dire qui travaillent sur le long terme, qui essayent d'avoir une vision, de proposer aussi un travail d'écriture. Parce que tous ces livres-là, faut pas rêver. Castaldi, moi je sais ce que c'est que d'écrire un livre, hein. Il a écrit avec Jean-Michel Carrère. Oui, les gens n'écrivent pas, donc ils parlent sur des magnétophones. Il y a un nègre derrière, qu'en général, un écrivain qui arrive pas à gagner sa vie, qui retranscrit derrière, donc c'est des faux livres. C'est toujours sur un déballage crapoteux qui est un peu angoissant, parce que on se rend compte que finalement les gens qu'on nous montre comme modèles sont finalement toujours à la limite de la pédophilie. Enfin, je veux dire, c'est socialement c'est même assez, il y a quelque chose de subversif. Malgré non, mais là, vous faites un raccourci qui est quand même... Si, parce qu'on voit qu'on s'accouche entre générations, etc. On se tape la mère après la fille, etc. Ce qui, chez les gens du peuple, est quand même plus ou moins puni par la loi, où on se retrouve tout de suite au banc de la société. Donc on voit qu'il y a un vrai privilège de classe. On l'avait déjà dans Peau d'âne, hein, d'ailleurs. Hein, si on veut, ouais. Et tout ça, donc c'est un peu une stratégie de après moi le déluge. Ouais. Alain Soral. Livre, au niveau social. Quoi. On va écouter Joël. Bonjour Joël. Oui, bonjour. Elle était avec moi hier, Joël. Oui. Joël, ces livres, vous étiez une des rares à dire aujourd'hui. Je vais peut-être pas les acheter, mais bon, bah, si ça déballe, c'est peut-être pas complètement négatif. Non, absolument. Bon, c'est sûr que je n'irai pas les acheter parce que c'est pas mon style. Maintenant, je comprends tout à fait qu'on puisse. Enfin, je comprends. J'estime que c'est quelqu'un. Moi, j'avais dit que c'était quelqu'un de proche qui. J'estime que c'est à eux d'abord qui peuvent se permettre d'écrire ce genre de choses. Maintenant, il est évident que si c'est quelqu'un de l'extérieur qui se permettrait d'écrire sur la famille, je trouverais ça anormal. Mais quelqu'un de la famille peut se permettre, lui, d'écrire, parce que ça fait partie de sa vie privée à lui aussi. Quand vous avez parlé hier justement de Benjamin Castaldi, qui révélait ce secret vis-à-vis de sa mère, j'estime que lui, ça fait partie aussi, lui, de sa vie privée. Donc, je veux dire, de sa vie à lui. Donc, il est le seul, lui, à mon avis. Je crois que ça se passe pas comme ça. Hein. Moi, je crois que les éditeurs cherchent des people, leur disent, vous auriez pas une petite histoire dégueulasse à nous raconter dans votre famille. Et sous la notice, j'ai été tripoté par les curés, il m'est arrivé une histoire en vacances. Je crois malheureusement que ça se construit dans l'autre sens. C'est-à-dire, on va les chercher. Le livre le plus tragique pour moi, c'est le livre de Guillaume Depardieu. Mmh. Il a vraiment été opéré dans tous les sens du terme par le petit Fogiel. Et il est à moitié mythomane, à moitié débile. Il s'est, à mon avis, il s'est brouillé de façon irrémédiable. Moitié mythomane, moitié débile. Et on n'a pas à faire parler un mec comme ça pour qu'il se grille définitivement avec son père. Je veux dire, c'est vraiment pousser les gens à dire des conneries, à écrire des conneries. Je trouve ça un peu malsain. Mais bon. Et deuxième remarque, ces livres-là sont faits pour les femmes. C'est dans le prolongement de Voici. C'est-à-dire que c'est du psychu. C'est-à-dire que ça intéresse beaucoup plus les femmes. Parce que l'histoire de coucherie, l'histoire d'alcôve, c'est très réduction psychologique de la vision des choses. Il n'y a jamais de dimension politique, jamais de dimension sociale. Et malheureusement, ça correspond à une évolution du marché du livre qui, comme le marché des magazines, va de plus en plus vers la ménagère et oui, le bonus. Alors là, excusez-moi, je parle parce que là, quand même, là, excusez-moi, mais je trouve quand même que votre invité, il rabaisse énormément. Enfin, il estime que la femme est une conne et que vraiment, elle ne fait que lire des conneries. Je pense que quand même. Oh, bien sûr, non, mais attendez, j'espère que votre femme, vous la traitez mieux que ce que vous ma femme, c'est une femme exceptionnelle. Je l'ai épousée, vous vous rendez compte? Bah oui, c'est pas parce que vous l'avez épousée que automatiquement vous la traitez bien. Non, j'ai dit que le psychus c'est essentiellement ciblé femme. Et les femmes aiment ça. Pour moi, la preuve. Vous en êtes la preuve, madame. C'est dramatique ce que vous venez de dire. Non, c'est de la sociologie de terrain. Les hommes s'intéressent moins à ce genre de trucs que les femmes, et c'est les femmes qui achètent ce genre de livres. Et aujourd'hui, raisons de la décrépitude du marché du livre vers le psychu intégral, c'est qu'en fait, ce sont surtout les femmes qui achètent de la fiction, les hommes achetant plutôt des essais. Voilà. Mais ça, c'est une analyse sociologique de base, il y a des chiffres. Après que ça vous choque, bon, c'est pas mon problème, c'est la vérité. Allez-y, vous pouvez discuter avec Alain Soral, il est là pour ça, hein, donc allez-y. La deuxième fois, maintenant, vous radoucissez un petit peu au moment, parce que là, au début, vraiment, vous dites que vraiment, les femmes sont des connes. Non, je dis que c'est... femmes ont une tendance à aimer tout ce qui a à voir avec les histoires d'alcôve, les histoires sentimentales, les histoires d'amour, les histoires de sexe, alors que les hommes sont plus tournés vers le bricolage, le sport et l'automobile, et aussi le sociétal, le social, et même le technique et le scientifique. Et en fait, on sait très bien dans le marché du livre que les bouquins historiques, les bouquins un peu sociologiques, ce qu'on appelle les essais, c'est plutôt une clientèle masculine, et que dès qu'on est dans le psychologique et l'affectif, c'est plutôt les femmes qui achètent. Et ça s'appelle, c'est l'histoire du roman rose. Finalement, tout ça n'est que l'extension de l'ancien marché qui s'appelle le roman rose, qui a beaucoup à voir aussi avec le roman photo pour ménagère. Le nous deux. Oui, voilà, c'est nous deux, et puis Harlequin, voilà, c'est l'extension de la logique Harlequin. Je vous le dis, malheureusement, c'est comme ça, c'est peut-être pas politiquement correct, mais c'est la vérité. Joël. Je dois peut-être pas être ce genre de femme, parce que bon, d'abord, j'ai jamais acheté de magie un roman à l'eau de rose. Mais non, ça mais dites-moi, pas dire. Joël, vous êtes sauvé, alors vous êtes sauvé. Alors attendez, Joël, c'est Alain Marchal, on va laisser Alain Soral de côté, parce que sinon il va finir par vous abasourdir. Mais Joël, vous disiez que, bon, après tout, vous n'étiez pas contre ceux qui déballent, mais est-ce que vous écririez ce genre de livre ou pas? Non. Si vous aviez des secrets de famille? Maintenant, je peux pas dire vraiment, parce que j'en ai pas, mais tout dépend aussi le secret de famille aussi, c'est quand même assez, on peut pas tout généraliser non plus, parce qu'il y a des choses que je trouve qui peut se dire, et effectivement, il y a des choses qui peut ne pas se dire. Moi, personnellement, je pense pas que je n'écrirai des livres comme ça. Je ne pense pas. Maintenant, ça ne me choque pas. C'est ce que je voulais dire. Ça ne me choque pas, cette polémique, maintenant, on entend partout, et pourquoi ce déballage, machin. C'est là où je veux dire que ça ne me choque pas. Mais non, c'est pas pour autant que je le ferai ou que j'irai lire ce que j'avais dit. Ouais. Mais c'est pas une question d'être choqué, madame, c'est que c'est une tendance. C'est une tendance qu'il faut analyser. C'est une tendance à réduire le livre à du témoignage crapoteux de people. Voilà. Or, le livre est une catégorie bourgeoise sur qui est une catégorie de la conscience et de la critique de la bourgeoisie par la bourgeoisie, si on veut faire un peu de sociologie. Et ça nous renvoie quand même à Balzac, à Flaubert, à Maupassant. On peut encore parler de littérature avec Françoise Sagan. Avec Christine Angot, déjà, pour moi, on est sorti de la littérature. Et là, c'est-à-dire qu'on est en train de détruire une catégorie qui est quand même constitutive de notre conscience sociale. Les éditeurs ont besoin de gagner de l'argent aussi. Les éditeurs ont besoin de vendre des livres. Ils ont besoin de vivre. Ouais, donc, on peut pas leur reprocher non plus de faire du commerce commercial et d'aller vers le public. Non, mais le danger, c'est que c'est un peu une stratégie à court terme. C'est comme quand on arrête trop une plante, on la tue. C'est-à-dire que s'ils partent dans cette logique-là et de ne plus jamais investir sur un écrivain qui se construit livre après livre, comme l'exemple des Mauriac, il faut même encore de Julien Green, de l'époque de Apostrophe, c'était encore dans les années 70. Si aujourd'hui, pour faire un livre dans la catégorie littérature, on va chercher une célébrité ou un enfant de célébrité et on lui fait déballer des trucs sur les cochonneries qu'ont fait ses parents en douce et en plus écrit par un copain enregistré sur le magnétophone, etc., etc., j'ai peur qu'on tue un peu le livre. C'est-à-dire que on gagne des sous à court terme, mais à long terme, les gens se lassent, c'est comme la télé-réalité, les gens s'en lassent très très vite. Là, d'accord. On tue le livre et puis on tue trop, aussi le. Trop de psycu tue le psycu, quoi. Je veux dire, c'est dangereux. Bah, à la limite, tant mieux, là. Ça, vu oui, c'est-à-dire qu'on ira pas très loin. Ça va pas aller très loin. Oui, ça va pas durer très longtemps. C'est comme on voit bien avec les émissions, les télé-réalités. On a fait le Loft 1, le Loft 2, ça marchait déjà plus. Maintenant, on fait la ferme qu'il faut déjà faire bosser les gens. Pourquoi les gens, c'est un peu une punition. Et puis, on va de plus en plus vers la rééducation par le travail et le camp de travail maoïste, hein. Je veux dire, donc ça la ferme, c'est le camp de travail maoïste. Ça commence. Le chantier, c'est le camp de travail maoïste. Ça commence, oui. Oui, non, mais ça commence. C'est quoi? C'est le kolkhoz aussi? Non, non, mais c'est un peu ça. On veut voir, on dit, vous voulez rester dans les médias, faut vous humilier, faut bosser un peu, vous allez traire les vaches. Et je veux dire que je trouve, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on remet le travail au cœur de la problématique et qu'il y a une notion de châtiment. C'est-à-dire que le peuple regarde des gens souffrir pour rester à la télé parce que finalement, ils n'ont pas de raison d'y être plus que les autres vu qu'ils ont jamais rien fait de sérieux pour y être. Et moi, je dis que ça va forcément amener une moralisation du problème, quoi. C'est-à-dire que quand tout le monde aura raconté ces histoires de viol, d'inceste, etc., après, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière? Quand tout le monde aura fait le con aussi devant les caméras, oui, à traire des vaches et... On sera obligé de retourner un peu plus de sérieux parce que ça s'use très très vite, tout ça. C'est ça, je veux dire. Donc, à la limite, là, on arrive à l'acmé, je veux dire, de cette espèce de tendance people du livre où on découvre que tout le monde a été violé, en gros. C'est-à-dire que tous les animateurs télé, visiblement, la formation qualifiante pour être animateur télé-radio, c'est d'avoir été violé dans sa jeunesse, maintenant. Bon, bah, une fois que tout le monde aura raconté son histoire de viol, d'inceste, etc., bah, derrière, peut-être qu'on va revenir à de la littérature sérieuse. Et moi, ça m'arrange puisque c'est un peu ma catégorie, vous voyez. Eh ben, Misère du désir, fiction aux éditions blanches avec Alain Soral. On en parlera tout à l'heure à 17h45. Alain Soral avec Joël, là, pour parler des déballages people et des livres confessions comme celui de Benjamin Castaldi, on en a parlé. Dans un instant, Alain Soral et le mariage homo avec deux personnes déjà pour vous. Pour ou contre le mariage homo, Alain? Oh, ben, je vais pas dire que je suis contre. C'est tellement un sujet sans intérêt. Je veux dire, ça ferait trop plaisir à certaines personnes qu'il y ait quelqu'un de contre. En fait, personne n'en a rien à foutre. Ça touche quelques dizaines de personnes en France. Il y a vraiment aujourd'hui, d'autres... c'est même au cœur du débat, parce que Père Ben s'en mêle, ma mère va marier, oui, c'est du progrès. Raffarin va améliorer le PACS. Oui, ben parce que c'est du... Et il y a tellement de problèmes économiques et sociaux en France que on est dans l'illusion du débat, quoi. On y revient dans un instant au 32-16.